Ils sont petits, leur trip reste néant. Ils sont petits, mais ils sont le présent. Leur trip ont l'odeur du gain, avec l'impression d'un noir un lendemain. Les coups.